Grand Jeep, Calan, OJ carré. Y'a plus de raison, fini tout c'est carré. Ça fait bien longtemps que le bateau il a chaviré. S'il y a un endroit pour recommencer ma vie, j'irai. J'fais qualité, quantité. J'entends rien, personne des gains va m'aider. Dans le sud c'est triste, c'est compliqué. Tu le sais déjà que des vendettas, hein. Sérieux, faut arrêter les gars, hein. C'est banal de trouver des cartouches. Cette année y'a eu trop de caractère, hein. Faut t'écarter, chez nous bonheur est passé. Plus grand chose à perdre, du coup poto j'rappe le quartier. Mia elle va se casser quand elle aura assez tassé. On me dit c'est fort, toi tu râles pas dans des cases. Je suis le vin, j'fais là où la vie mène, j'prends le temps. Finalement ce que j'ai passé j'l'ai pas dit, au final j'l'ai rangé. Chaque fois que je parle j'ai l'impression de les déranger. Danger, toi t'aimes la vie, j'aime la vitesse. J'dis la vérité comme l'état d'ivresse. Besoin d'être seul, j'pars en virée. Besoin de me vider donc je vais écrire. C'est le quartier qui me rend mauvais, qui nous a écartés. Qui m'a volé mon enfance, donc j'ai grandi tôt. Donc a fabriqué des banditos. C'est le quartier qui me rend mauvais, qui nous a écartés. Qui m'a volé mon enfance, donc j'ai grandi tôt. Donc a fabriqué des banditos. T'as crié à l'aide, personne t'entend. Donc de faire du sale, ouais, c'est tentant. Tu dis nique sa mère, personne m'atteint. Mais au fond de toi y'a l'ouragan. M'battant, lâche pas l'affaire même si ça brûle dedans. Va de l'avant, pour maman. N'attends pas, ça reviendra pas comme avant. On va danser toute la note. J'ai des trucs à régler mais j'sais plus quand c'est. Mania, tu connais toujours la bonté. Toujours cœur blanc mais pour les bâtards noirs comme la panthère. Il est mort le cœur. Des signes de vie depuis trop longtemps, ça fait peur. Ou alors c'est juste une petite panne du moteur. J'ai pas fait Marseille Rotterdam. Y'a plus de tatam. C'est le quartier qui nous rend mauvais, qui nous a écartés. Qui m'a volé mon enfance, donc j'ai grandi tôt. Donc à fabriquer des banditos. C'est le quartier qui nous rend mauvais, qui nous a écartés. Qui m'a volé mon enfance, donc j'ai grandi tôt. Donc à fabriquer des banditos.